Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le vin peut être à bulle, voyez la Champagne, ou tranquille, voyez, par exemple, le Bordeaux. Ou plutôt, écoutez-le, le Bordeaux et le Bordelais, via l'opérette. En 1986, Jacques Rouchouze proposait sur France Culture un tour de France, de théâtre en théâtre. L'opérette, c'est la fête, par Jacques Rouchouze. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Gérard Boirot évoquait hier son spectacle pour enfants sur Messager. Le musicien y était incarné par Christian Haas, un Bordelais monté à Paris. Élève de Pierre Renoir, de Jean Meyer, de Bernard Blier, de Julien Berthaud, Christian Haas a tenu de petits rôles à la Comédie-Française où il aurait pu faire une très belle carrière. Mais l'opérette veillait et a récupéré pour notre grande joie cet immense artiste. Christian Haas qui, à chaque fois qu'il paraît, dans des rôles dits secondaires, a une telle présence qu'on ne voit plus que lui. Je m'appelle Loriot. Je suis de Saint-Étienne, Loire, où ce qu'on fabrique au jour le jour, des fusils instruments de gloire et des rubans objets d'amour. Ma mère à la passementerie m'avait voué d'aimer jeunes ans. Mon père étant dans l'armurerie, rêva pour moi la vie des camps. Moi j'ai suivi comme un bêta le goût de papa. J'aurais mieux fait assurément d'écouter ma maman. Tenez, j'avais une bonne amie, me voyant flotter vaguement entre un comptoir de mercerie et les douceurs du régiment. Celui que j'aimerais, me dit-elle, portera le casque de dragon. Je m'engage pour plaire à la belle. Et quand je revins dans notre canton, elle était mariée. Et savez-vous qui qu'elle avait épousé? Un petit mercier de rien du tout. Et tout ça pour avoir suivi comme un bêta le goût de papa. J'aurais mieux fait assurer. D'écouter ma maman. Pour me consoler, buvons un petit coup. Plop. Christian Haas, vous n'êtes pas de Saint-Étienne, mais de Bordeaux. Oui, je suis né à Bordeaux. Et alors il se trouve que Mlle Nitouche, qu'on vient d'écouter là, a été votre première opérette? C'est exact, ma première opérette à Paris. Et c'est très curieux, je sortais du Conservatoire National d'Art Dramatique. J'avais joué une pièce sur les boulevards, La Reine Blanche de Barillet-Grédy. Et tout de suite, Je suis entré à la Gaîté Lyrique. Il y a eu un concours de circonstances qui m'a fait entrer à la Gaîté Lyrique. Comme j'avais une voix naturelle, puis que, étant bordelais, vous savez, nous allions au théâtre voir les opérettes, les opéras, quoi. Il n'y avait pas de ségrégation comme maintenant. pas pour le public, il n'y a jamais de ségrégation pour le public, du reste. Et donc nous allions au théâtre, et je connaissais un peu Mlle Nitouche, et bon, ben, j'ai été engagé, c'était Robert Manuel qui faisait la mise en scène, j'ai été engagé pour jouer Loriot. Ça a été un souvenir merveilleux. D'abord j'avais l'âge, et puis je me suis amusé comme un petit fou, puis c'est extraordinaire Mlle Nitouche, la musique de Nitouche est merveilleuse. Et alors à la Gaîté Lyrique, vous avez joué d'autres choses après ? Oui, j'ai continué parce que Germaine Roger, qui était directrice, était sans doute satisfaite de mes services. Alors j'ai repris les rôles de Maurice Baquet, de Francis Blanc, j'ai fait la création des Chevaliers du Ciel. Je suis resté là de 54 jusqu'en 59. Alors là, j'ai fait pas mal de choses. 1900, bien sûr. C'est mes moustaches qui vous font dire 1800. Je crois que l'ami Henri Bédex a joué un rôle dans votre carrière. Oui. Nous avons formé un couple, en tout bien, tout honneur. Nous avons formé un couple et nous nous entendions très bien. On jouait beaucoup à cette époque à Nancy, où Nancy donnait beaucoup d'opérettes. Et le public nous aimait bien et on s'entendait très bien. Il y avait une sorte de connivence parce que Bébé, nous l'appelons Bébé entre nous, est un excellent premier comique, un véritable premier comique. Et nous nous entendions très bien. On formait ce couple comique. On s'est retrouvés plusieurs fois. On a eu la chance de jouer à Marigny aussi, dans la Grande Duchesse. Oh, ça a été extraordinaire. On a eu une générale fantastique. On avait fait ce fameux trio dans la Grande Duchesse. On était là, on disait, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut faire? On parle plus, n'arrêtez plus d'applaudir. Mais on peut peut-être écouter la Gazette de Hollande. Ah oui. Avec Suzanne Lafaille, c'est une bordelaise aussi. Oui, c'était grave. Épouser une princesse, le prince Paul s'en est allé. Mais il paraît que rien ne presse, le mariage est reculé. Tous les jours quand paraît l'aurore, le prince Paul met des gants blancs. Est-ce aujourd'hui? Non, pas encore. Alors le prince ôte ses gants. Le prince Paul a l'âme grande. Il souffre, mais il se tient quoi? Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit dans la Gazette de Hollande. Oui, il faut toujours ajouter moi. Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit dans la Gazette de Hollande. Le prince était tout feu, tout flamme, en arrivant à cette cour. Le prince était mourant d'amour, en arrivant près de sa dame. Il a tant brûlé qu'on suppose, après 6 mois de ce jeu-là, qu'il ne doit pas rester grand-chose de tout le feu dont il brûla. Dans ta poche, mets ta demande, prince Paul, et rentre chez toi. Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit dans la Gazette de Hollande. Oui, il faut toujours ajouter moi. Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit dans la Gazette de Hollande. C'est toujours moi, Ignace, mais cette fois je suis à l'hostellerie de l'Éperon d'Or comme convenu avec Romuald. J'attends toute la drôle de famille. En compagnie des soubrettes de la maison. Je sais plus qui c'est. Avec Lassouche, Hyacinthe, Brasseur ou Gilles Pérès, les auteurs n'ont pas affaire à des interprètes, mais à de véritables collaborateurs, des complices. Ce sont des types, de véritables masques, dans le sens italien du mot, descendants des scaramouches, turlupins ou harlequins de la grande époque. Ainsi se perpétue une tradition, un art, un savoir-faire, un métier arte comique. Alors, je ne sais plus qui a écrit ça, mais je pense que vous êtes l'héritier de ces acteurs. Oui, je m'en flatte. Les créateurs des Gondremarc, Le Bottier, Urbain. De la C'est-à-dire qu'à l'époque, tous ces acteurs qui étaient des habitués, que Offenbach prenait dans ses opérettes, parce que c'était de grands comédiens, et des gens qui chantaient. Il y en avait certains qui jouaient d'un instrument. Vous voyez, c'était des acteurs complets. Et à cette époque, pour eux, l'essentiel, c'était de divertir le public. Vous comprenez ? Alors, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils devaient faire des choses fantastiques. Je vois, par exemple, dans la vie parisienne, on n'a qu'à regarder les gravures de Grévin qui a fait les costumes. Eh bien, on voit à un moment donné, on comprend tout de suite, il a une clé dans le dos. Il y a un acteur qui a une clé dans le dos. On devait le remonter. Il devait marcher certainement comme ça, puis il devait s'arrêter. On devait le remonter. C'est-à-dire qu'il n'avait pas peur de faire rire. Et une opérette, il faut absolument que le rire soit respecté, le sourire soit respecté. Il n'est pas question de faire n'importe quoi. Vous savez, je vais quelquefois au spectacle, mais j'entends le public qui ne demande qu'à se divertir. C'est une thérapeutique. Mais oui, je crois que dans certains théâtres, on joue surtout pour ce que l'on va écrire dans les journaux ou dans les revues spécialisées, pas pour vous qui nous défendez. C'est vrai, vous nous défendez bien, et il faudrait beaucoup de journalistes qui nous défendent. Il faudrait qu'on puisse leur démontrer que monter une opérette, la faire travailler, est extrêmement difficile. Et non, c'est pas une plaisanterie, c'est pas une guignolade, loin de là. Enfin là, on pourrait en parler pendant des heures, vous savez, on essaie de défendre, c'est difficile, mais on y arrive. Enfin, le public est là, en tout cas. Le public remplit les salles. Nous allons quitter Christian Haas, un de ces acteurs qu'Offenbach aurait aimé, avec pour une fois une petite scène parlée toute bête. Mais Christian Haas est ici dans Ignace avec Fernandel. Bonjour la compagnie. Mon Dieu, un militaire. Eh oui, un militaire. Oh, il est gentil. Tout plein mignon. Ah, Vous êtes le deuxième. Vous avez beaucoup d'amis. Nous sommes tellement seuls. Il n'y a plus de voyageurs. Et là. Si vous continuez à mes mignonnes, moi, je vais vous pouvoir en placer une. Le silence, mesdemoiselles. Écoutons-le. Oui. Eh bien voilà, j'ai un rendez-vous. Avec une boule ? Mais non, je ne suis pas ici pour rigoler, moi. Et pourquoi donc ? Chut ! Mission de confiance. Oh, je vais le séduire. Non, il est pour moi. Oh, catastrophe. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme ? Oh, tonnerre ! Un client, eh ben, mesdemoiselles, allons, laissez monsieur tranquille. Oh, non. Ben, heureusement que vous êtes arrivés, vous savez où, j'ai cru que j'allais tout faire. Je vous demande pardon. Oh, j'avais de quoi, bien. Ben, voyons, mesdemoiselles, un peu de tenue, que diable ! Nous sommes ici à l'hostellerie de l'Éperon d'Or, et non au Valet Clos. Enfin, voyons, mais c'est vrai ça, enfin, que diable ! Un peu de tenue. Quoique, vous savez, moi, si j'avais le temps, hein. Bon, enfin, bref. Que désirez-vous, monsieur ? Moi, rien, hein. Dites, oh. C'est-à-dire que moi, je voudrais parler à vous seul, en quatre mimi. En quatre mimi. Ah non, c'est un homme, non, oui, enfin, j'ai compris. Mesdemoiselles, à vos services, et vite. Ah, c'est drôle, ça, hein, vous savez. Vous faites l'effet, de, comme qui dirait, d'un bouantail à moineau. La comparaison n'est guère flatteuse. Oh, vous savez, moi, ce que j'en dis. Bon, arrivons au fait. Eh bien, voilà, figurez-vous que je suis en mission de confiance, raison majeure, mais secrète. Ah. Ah oui. Vous hébergez ici mademoiselle Loulette et des Folies Variétés. J'ai cet honneur, monsieur. Alors, il faut que j'ai le numéro de son appartement pour une personne qui a rendez-vous avec elle, inconnue au trou et qui ne veut pas se faire reconnaître. Oui, mais... Il n'y a pas de main, hein. Enfin, ma conscience m'oblige... Tenez-moi 100 francs pour faire taire votre conscience. Oh. C'est pas moi qui paye, alors... Du moment que monsieur insiste... Voici les indications. Numéro 6, au premier étage. Faut-il que je prévienne madame? Ah, jamais de la vie, elle le sait. Quant à vous, monsieur le taulier, il faut, comme on dit dans le monde, que vous mettiez les bouts de bois. Ça ne sera pas long. Oh, le temps d'introduire Le visiteur. Et je vous fais signe. Parfait. Merci. Au revoir, taulier. Il est drôle, ce gérant. Hein? Enfin, voilà un grand pas de fait avec ces sacrées fumelles. Hein? Mais voici Montserrat Caballé qui annonce les anniversaires du jour. Ignace, que nous venons d'entendre, a 50 ans cette année. Le ténor César Vezzani aurait 100 ans aujourd'hui même. Et le baryton Fernando Corena en aurait seulement 70. Voici donc Fernando Corena en souvenir et dans La Grande Duchesse, dont Christian Rass justement nous parlait tout à l'heure. À cheval sur la discipline, par les ballons, je vais devant moi, j'extermine les bataillons. Le plus fier ennemi se cache, tremble au pelot, quand il aperçoit le panache que j'ai là-haut. Le panache que j'ai là-haut, oui. Et puis, à vous, et tarapadabou, je suis moi le général. Et puis, à vous, et tarapadabou, je suis moi le général. Salons après la guerre, je reparais, et la plus belle pour me plaire se met en frais, et le caresse ma moustache en souriant. En ce moment-là, mon panache est forgé dans, mon panache est forgé dans, oui. Et bif à vous, et tarapadabou, je suis moi le général. Et bif à vous, et tarapadabou, je suis moi le général. Et bif à vous, et tarapadabou, je suis moi le général. Et bif à vous, et tarapadabou, je suis moi le général. Au cours de la matinée scolaire sur Messager, à Bordeaux, nous avons rencontré le plus jeune pensionnaire du Grand Théâtre, Pierre-Henri Séchet, qui chantait Fortunio. Vous venez de chanter Fortunio là, dans cette animation sur Messager au Grand Théâtre de Bordeaux. une chose qu'a voulu Gérard Boirot. Quel âge avez-vous ? Je vais avoir 23 ans. 23 ans ? 23 ans au mois de juillet. Alors qu'est-ce que ça peut représenter, l'opérette, à notre époque, pour un jeune homme de 23 ans ? Quelle idée avez-vous eue de... L'opérette, mon amour de l'opérette remonte à depuis ma naissance. J'ai été toujours passionné d'opérette et j'ai eu vraiment le coup de foudre depuis que je suis allé voir une opérette d'Ouchka avec Marcel Mercès et Paulette Merval. J'ai trouvé cela féerique, merveilleux et ça a été pour moi vraiment le coup de foudre, ce qui fait que je me suis dit que jamais je ne pourrais faire autre chose que de l'opérette. Et alors vous avez fait vos études à Bordeaux ? J'ai fait mes études au Conservatoire National de Bordeaux avec Monique Florence en chant, André Dran en art lyrique et Alain Housset qui est chef d'orchestre ici au Grand Théâtre. Et après vous avez passé des concours ? Après j'ai passé mes concours, j'ai passé mon prix de chant et j'ai passé donc mes prix de scène, d'opérette et d'opéra comique au cours desquels Gérard Boirot était dans le jury et a bien voulu me prendre dans sa troupe. Et après, vous avez fait d'autres concours aussi ? Après, j'ai fait d'autres concours à l'extérieur de Bordeaux. J'ai fait le concours des Voix d'Or, où j'ai eu un second prix d'opérette et de mélodie. J'ai fait le concours d'Alès, où j'ai eu également un second prix d'opérette, et un troisième prix au concours national de Vichy. Et alors, vos débuts sur la scène ? Mes débuts sur la scène remontent à l'année dernière, dans le rôle du journaliste dans Trois Valses. Ça a été mes débuts sur scène. J'avoue que j'ai beaucoup appréhendé. Ici, à Bordeaux ? C'était un très gros trac, malgré que je n'ai pas grand-chose à faire, mais c'était tellement merveilleux de me retrouver sur la scène du Grand Théâtre depuis les années que je rêvais d'y être. Oui, c'est merveilleux. C'est un rêve qui se réalise. C'est incroyable parce que vous arrivez, c'est vrai. Et vous avez dans ce métier des exemples de grandes admirations ? Ah, de grandes admirations, oui, j'ai vocalement, surtout au point de vue technique, je suis un amoureux de Schwarzkopf. Ah oui. Ça, pour moi, c'est la perfection. Enfin, on dit que la perfection n'existe pas, mais enfin, à mon avis, c'est pour moi le sommet du chant. Mais maintenant, vous ne pourrez plus chanter avec elle. Ah, non. En revanche, vous avez chanté avec Maria Murano. Avec Maria Murano dans Chanson d'amour et dans Rose de Noël, dans cette saison. J'en garde un très très bon souvenir. C'est une femme extraordinaire, de grand talent, et qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs, parce qu'elle m'a fait souvent répéter entre les moments où on était sur scène. Et je lui dois une fière chandelle, parce que tout le monde ne l'aurait pas fait. Donc merci à Maria Murano si elle nous écoute à cette émission de radio. Et les rôles futurs, là, qu'est-ce que vous allez faire ? Les rôles futurs, eh bien, je pense que Gérard Boirot va me programmer dans Mathéo de Méditerranée de Francis Lopez et dans Émile de Rosemary. Et puis après, on verra bien. Après, on verra bien. Pierre-Henri Séchet admire Maria Murano, nous aussi. La voici, elle qui vient de faire ses adieux à l'opérette à Bordeaux, justement. La voici avec un autre artiste issu du conservatoire de cette ville, le prince de l'opérette, Luis Mariano. Maria Murano et Luis Mariano, le prince de Madrid. Je ne sais rien de vous, vous n'êtes qu'un visage, une belle inconnue dont j'ignore le nom. Mais je sonne à mon cœur déjà comme un présage que vous serez un jour mon ange ou mon démon. Je ne suis simplement qu'une femme qui passe, qui se donne parfois, qui se reprend souvent. Je sais être le feu, je peux être de glace, je change avec les jours, je tourne avec le vent. Les enfers à la vie, si c'est notre plaisir, qu'importe si demain nous faisons souffrir. Nous ne pouvons savoir le sort qui nous attend. Laissons faire la vie, laissons faire. L'opérette C'est la fête par Jacques Rouchouze, réalisation Nathalie Trianda, première diffusion sur France Culture le 8 août 1986.